Exercice 12, page 161. Ce mot, depuis le 14 janvier 2011, nous l'avons crié un jour ou l'autre. Et il résume à lui seul la révolution tunisienne.